Belle découverte, 18h-18h30. Bienvenue à tous dans La Belle Découverte. Aujourd'hui, on va parler de Taiwan MC. Taiwan MC, c'est l'un des chanteurs du groupement de Chinese Man. Donc, c'est un label et un groupe, Chinese Man Records. On est ensemble jusque 18h30 pour disséquer ensemble son nouvel opus qui s'appelle Disco Dub. C'est un EP, c'est le deuxième à son actif. Et on va en parler jusqu'à 18h30 ensemble. Alors, Taiwan MC, qui c'est? C'est le frontman du label Chinese Man Records. Il sort son deuxième EP Disco Dub. C'est produit et réalisé par SOAP avec la participation de Chinese Man, Dread Square et Manu Digital. Rien que ça, c'est des beatmakers de talent. Ça sort un an et demi après la sortie du premier EP qui s'appelait Heavy This Year. Taiwan MC débarque avec le second qui s'appelle Disco Dub. Alors il a écrit ça entre deux concerts avec Chinese Man Records pour fêter les 10 ans du label, hein, c'était l'année dernière. Il est retourné en studio enregistrer ce nouveau projet solo entre deux concerts. Le résultat, c'est un disque hybride de reggae digital teinté de funk, de dancehall rétro-futuriste et de dub psychédélique. Rien que ça. Dévoilant un univers personnel et posant les bases d'un son à la croisée des sound systems jamaïcains et des clubs londoniens, voire même des block parties new-yorkaises, Disco Dub marque également les débuts de Taiwan MC à la composition. Effectivement, le live frontman attitré des Chinese Man en live a déjà arpenté quand même les scènes les plus prestigieuses, qu'elles soient françaises ou européennes, le Summer Jam, le Rock Slide, le Boomtown, Couleur Café ou les Eurocaines ou les Francofolies encore pour la France. Le MC, autant à l'aise sur le reggae roots, l'électro que sur des rythmes drum and bass, électrise le public à chacune de ses prestations et c'est peu de le dire. Alors avec la sortie de Disco Dub, Taiwan MC revient avec un nouveau live explosif accompagné de SOAP au platine. Alors pour ceux qui ne se rappelleraient pas à quoi ça ressemble Chinese Man avec Taiwan MC, eh ben on va s'écouter justement Miss Chang de Taiwan MC et les Chinese Man Records. Thank you. La belle découverte, 18h-18h30. Alors là, on a écouté Chinese Man avec la chanson Miss Chang. Effectivement, il y a Taiwan MC au micro sur cette chanson. Ça serait sympa qu'on écoute justement une des compositions, entre autres, puisque Chinese Man composait habituellement les titres de Taiwan MC. Lui n'était que chanteur. Et sur cette EP, c'est lui qui s'est mis à la composition. D'ailleurs, on va se rendre compte que le son est un petit peu plus reggae avec cette chanson Pondy Road. Pondy Road, we are chat up on the road, we are rap and we are not driver, so you know we love you walk. Pondy Road, we are chat up on the road, we are rap and we are not driver, so you know we love you walk and talk. Be a loving and we hard from start and anywhere me go, me say you know we love you walk. Anywhere me go, we love you walk. Anywhere me go, we love you walk. We no run, we no rush, we just walk and stay fresh. No stress when we touch the mic, yes we bust a sweat. Get wrecked under Weedy and the Jack D. Guess who's back, it's the TMC. B-U-N-D-B-D-B easily. My FLO's fat like a sumo belly. Buffalo styley, cool and heavy. Deadly pan the mic and none of them do it like we. Bada bada pan the microphone. When I chat about the dollar dollar, not the skin tone. When I falla falla na na na. None of them now. Man a man a done at a pandy version. Watch how we come in the atta. Atta than sun, atta than lava. Man a the wickedest flow designer. My rise and make them rise up. Them rise up when they vibes up. We roll it up and blaze up on the road. Yes we know that the fire can't stop. Pandy road we are chat up on the road. We are rap and we are not drivers, and you know we love to walk. Pandy road we are chat up on the road. We are rap and we are not drivers, and you know we love to walk and talk. Be a loving and we hard from start. And anywhere me go, me say you know we love to walk. Anywhere me go, we love to walk. Anywhere me go, we love to walk. In a Paris city, me keep walking. No underground, strictly overground thing. In a Marseille, walk foot again. Them cab drivers, we not trust them. Holy mountain, say in a China. Blaze up the weed up on the skyscraper. Sipping on a beer, Brussels city center. Yum up the pizza on the piazza. In a London, in a Canada. Caribbean to the Mexican border. Anywhere me go, me is a street walker. Any city see me on the street corner. Pondy road, we are chat up on the road, we are rap and we are not drivers, and you know we love to walk. Pondy road, we are chat up on the road, we are rap and we are not drivers, and you know we love to walk and talk. Be a loving and we hard from start. Anywhere me go, me say you know we love to walk. Anywhere me go, we love to walk. Anywhere me go, me love fi walk. Pondy road, we are rap. Pondy road, we are chat non-stop. Pondy road, we are walk. Pondy road, we have been nice it non-stop. Pondy road. Yes, we have to walk, dance, start. Pondy road, we are wild. Yeah, yeah. We day up on the road, we say night and day. We day up on the road, we say night and day. Nous sommes de retour dans La Belle Découverte et on vient d'écouter justement du Taiwan MC sur son dernier EP pardon, qui s'appelle Disco Dub. Alors qu'est-ce qui est différent dans le Taiwan MC qui est dans Chinese Man et dans celui qui est en solo? Et ben d'après toi Toom, c'est le style est différent tout simplement? quand t'écoutes Chinese Man, t'as pas forcément la touche dancehall comme ça, t'as pas forcément le touche dub non plus, même s'il y a peut-être un peu d'influence, mais bon, là t'as vraiment l'impression d'être sur un bateau avec des gonzesses à Paul Tour. Enfin, non, je sais pas, pour moi, il y a quand même une grosse différence, quoi, ça se différencie vraiment, et à mon avis, un concert de Taïwan tout seul, ça n'a rien à voir que Taïwan avec Chinese Man, quoi. Ce qui est toujours sûr, c'est qu'il y a de la basse qui est très présente, que ce soit dans le hip-hop de Chinese Man ou dans la sauce un petit peu plus reggae dancehall de Taïwan MC en solo. Il y a toujours une basse très présente, c'est ce qui donne l'impact. Il y a toujours son flow aussi qui reste là, qui reste le même. Mais effectivement, c'est moins incisif, on va dire. Ça coule plus quand c'est Taïwan MC en solo. Bon, bah, que dire de plus, il y en a pour tous les goûts avec Taïwan MC, hein, qu'on soit adepte de hip-hop, voire même de rap, ou qu'on soit adepte de dancehall ou de reggae de manière générale. Il y a ce qu'il faut chez Taïwan MC. Voilà ce qu'on pouvait en dire sur le style musical qui a quelque peu changé. Alors on lui a posé quelques questions pour savoir quelles étaient ses motivations, pourquoi il était retourné en solo travailler des nouveaux textes et des nouvelles chansons. Voilà ce qu'il nous a répondu. Taïwan MC, salut, merci d'être avec nous. Salut. Je me permets de te poser quelques petites questions par rapport à l'EP Disco Dub qui vient de sortir il y a quelques jours. C'est d'ailleurs le deuxième à ton actif, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, deuxième sur Chinese Man Records. Le premier s'appelait Evidiciaire et il est sorti il y a un an et demi. Et celui-ci s'appelle Disco Dub et il est sorti lundi. Alors dans un premier temps, moi, je me demandais pourquoi est-ce que tu as souhaité te lancer dans un projet solo alors que a priori tout fonctionne super bien avec Chinese Man. Parce que moi je fais de la musique depuis longtemps et puis j'ai toujours voulu produire de la musique un peu plus personnelle, des sons plus reggae. Chinese Man c'est un groupe c'est un groupe de DJ qui sample beaucoup de musique et qui donc part dans beaucoup de directions mais quand même assez hip-hop. Et moi je suis plus un chanteur de reggae, donc moi j'avais envie de faire un peu mon truc solo. Mais bon, il y a des productions de Chinese Man sur mon album, donc finalement c'est pas tant solo que ça. Effectivement, il me semble que justement Chinese Man est présent sur au moins deux des titres de l'EP Disco Dub. Est-ce que tu peux nous présenter justement les autres beatmakers qui sont venus poser du son sur ce projet-là? Son of a Peach qui a produit une partie du disque avec qui on l'a enregistré et qui l'a mixé, donc lui il a joué un rôle majeur. Il y a aussi Dread Squad, un producteur polonais qui a fait une des instrus, et Manu Digital qui a remixé le titre justement produit par Chinese Man. Et ce que je voulais dire par rapport au hip-hop sur Chinese Man, c'est plus dans leur façon de produire plus que dans le style. C'est qu'ils utilisent toujours un sample pour partir pour un morceau, alors que moi parfois je vais partir sur une composition où il n'y a pas de sample, quoi. Chacun sa méthode, quoi. Alors du coup, j'ai remarqué que tu pouvais poser ta voix sur à peu près n'importe quel style musical à partir du moment où ça sonne. C'est sympa. Mais c'est honnête, c'est ça le pire. Est-ce que tu as un style en particulier, un style spécifique? C'est pas vraiment un style particulier qui va me plaire. Souvent, je pense que c'est plutôt des mélodies ou des notes ou des tonalités qui me conviennent mieux. Parce que ouais, comme tu dis, je pose sur tout et n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, j'imagine, je veux dire n'importe quel style de musique. J'ai du reggae ou du raga sur un style qui ne l'est pas. Donc sur de la drum and bass, je l'ai fait pendant longtemps. Sur de la funk, sur du hip-hop. Mais bon, ouais, je vais toujours avoir mon flow qui est plus ou moins le même. Mais je vais essayer de l'expérimenter sur différents formats. Ouais. Alors, il me semble, tu me diras si je dis des bêtises, que sur cet EP Disco Dub, il n'y a pas de featuring vocal, alors que par exemple sur le précédent, il y avait par exemple la présence de Bigaranx. À la fois c'est une volonté, à la fois c'est un peu un hasard, mais parce qu'on l'a fait assez rapidement ce disque. J'étais en tournée avec Chinese Man pour la tournée des 10 ans du label, donc du coup on était quasiment toute l'année sur la route, donc du coup j'ai fait entre deux dates, entre deux tournées à chaque fois, ce disque a été conçu comme ça. Donc du coup on n'a pas vraiment eu le temps de demander des featuring, et puis au moment où on aurait pu faire des featuring, les morceaux étaient bien avancés, donc j'ai décidé de les garder tels quels, quoi, en faisant moi-même les refrains, les couplets, tout ça. Et en fait, au final, je suis assez content parce que avant, je pense que je faisais beaucoup de featuring parce que j'étais jamais vraiment sûr de si j'allais faire un morceau entier vraiment bien. J'étais content de toutes les parties, quoi. Et donc là, je pense que voilà, j'y suis arrivé, donc je suis assez content, même si je dis pas que je vais pas refaire des featuring, mais j'adore faire des featuring. D'ailleurs, ça me fait penser que sur cette EP, tu t'es vachement impliqué sur la création, sur la composition des morceaux, chose que tu faisais pas forcément avant. Ouais, c'est pareil. Avant, je prenais pas la composition, mais j'amenais pas des morceaux. Et là, sur celui-ci, j'ai commencé ça fait plusieurs années que je commence à m'entraîner à faire de la compo sur ordinateur avec le logiciel. Et donc là, ouais, c'est la première fois que j'ai amené des productions quasi. Où il y avait vraiment la basse, batterie, la mélodie, tout ça. Enfin, il y avait vraiment les trois quarts de l'instru quand je les ai emmenés à Son of a Peach, justement, pour les bosser, quoi. Après, lui, il m'a aidé sur quasiment toutes les compos. Il a rajouté des productions à lui, il a rajouté des effets. Comme j'ai dit, il a fait le mixage, donc de toute façon, il a mis sa patte sur tous les morceaux, mais ouais, c'est assez sympa d'avoir ses propres compos qui sortent, qui sont joués par d'autres DJ et tout. C'est un plaisir. Bon bah du coup on va passer à la question un petit peu à la question con, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de débit, beaucoup de paroles, puisque ton flow nécessite beaucoup de texte. Alors au niveau des lyrics, je voulais savoir ce qui t'inspirait, comment tu créais tout ça. Oh bah moi souvent les lyrics c'est pas vraiment la partie sur laquelle je passe le plus de temps, c'est plus les flows, c'est plus la forme que le fond, on va dire. Donc souvent c'est des délires, des ego trips, un peu comme dans le hip hop ou quoi, ou dans le rob a dub, où les mecs racontent une histoire. Des fois il n'y a pas vraiment de logique et tout. Moi c'est plus ça, c'est pas vraiment de la chanson à texte. Ouais, du coup c'est plutôt le côté musical, le côté artistique qui prime quoi. Ouais, le flow, bah comme quand j'écoutais du rap ou du raga ou quand j'étais plus jeune, des fois je comprenais pas vraiment toujours les textes, mais en tout cas ce qui me marquait c'était les flows, les rythmiques, les placements, les façons de se placer, comme dans les flows de hip-hop de nos jours ou toujours des MC en freestyle, tout ça c'est super impressionnant, c'est comme de la percussion, c'est de la batterie quoi, c'est rythmique quoi. Et moi j'ai toujours apprécié plus ça plutôt que quelqu'un qui avait un message extrêmement fort mais qui du coup le dépose un peu de façon plate sur une instru, ça m'intéresse moins quoi. Après c'est vraiment chacun ses goûts, je dis pas que l'un est mieux que l'autre. Hein. Effectivement, de toute façon il en faut pour tous les goûts. Alors si jamais tu devais citer un artiste qui est totalement en dehors du domaine du hip-hop mais qui t'a quand même énormément influencé, ce serait qui? Guns N' Roses. Quand j'étais plus jeune j'écoutais beaucoup de rock, dans ma famille il y avait mon cousin qui écoutait du rock et tout. Et ouais non, j'ai écouté beaucoup de styles de musique avant de... Et sans même, j'ai écouté du reggae depuis que je suis petit, mais j'ai quand même aussi écouté du rock. Voilà, donc je dirais les Guns N' Roses avec Axl Rose. Effectivement, les Guns N' Roses, c'est pas une influence qu'on retrouve directement dans l'EP. Une question, tiens, pourquoi est-ce que vous avez, avec l'équipe de Chinese Man, décidé de choisir un vinyle? Est-ce que c'est un objet important pour vous, le vinyle? Bien sûr, moi je collectionne les vinyles depuis longtemps. À la base, je voulais même être DJ plutôt que chanteur, donc j'ai toujours été proche du vinyle, mais surtout aussi parce que le label Chinese Man Records, il fait du vinyle depuis 10 ans, quoi, depuis ses débuts également. Ils ont sorti d'abord des vinyles, en fait. La vocation du projet à la base, c'était de sortir des vinyles avant même de faire un groupe ou un label. Mais du coup, c'était c'est une volonté commune entre le label et moi, donc de sortir en vinyle. Et puis même, c'est le format, c'est du reggae, ça a vraiment été fait pour, quoi. Sur la version vinyle, justement, on l'a mis en 45 tours. On a retiré deux morceaux que, justement, ça rentre en 45 tours pour qu'il y ait la meilleure qualité d'écoute et de lecture possible pour les DJ ou pour même les gens chez eux. Voilà, donc écoutez Disco Dub en vinyle, vous allez kiffer. Et puis une dernière question pour la route. Taiwan MC, Chinese Man, c'est deux noms qui semblent évoquer un petit peu la même culture. Est-ce que vous êtes concerté, c'est un rapport entre eux au niveau artistique ou ça a aucun rapport du tout? Moi j'ai commencé à peu près en même temps qu'eux, mais on se connaissait pas du tout. Donc on est vraiment trouvé ces noms indépendamment les uns des autres. Et après quand on s'est rencontrés là en 2010, 2009-2010, c'était un hasard, ça nous a fait rigoler. Non, à la base c'était même pas voulu quoi. C'est vraiment c'est le hasard qu'on ait choisi des noms qui au final peuvent avoir un rapport entre eux. C'était pas du tout voulu. Eh ben merci beaucoup encore une fois Taiwan MC d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On souhaite une super réussite à la sortie de cette EP qui s'appelle Disco Dub. Cool, bah merci beaucoup les gars. À la prochaine. Nous sommes de retour jusqu'à 18h ensemble pour parler dans la belle découverte de l'EP Disco Dub de Taiwan MC qui est sorti le mois dernier. Alors ce que je vous propose c'est qu'on écoute une nouvelle chanson de son EP. Je vous propose Guan Gyal, une chanson tout en anglais de Taiwan MC sur l'EP Disco Dub. One girl, let me see your hand. Wave and a wine like you a champion. All unpull it, my selector right now. Let me roll with the vice so low. One girl, let me see your hand. Wave and a wine like you a champion. All unpull it, my selector right now. Let me roll with the vice so low. This ya wanna feed the girl them who get busy in the dance. This ya wanna feed the bubblers, dance and science. This one feed the girl them who are physically fed. This one feed the ladies them who love fi wine it, wine it, wine it. Yes, them love fi wine it, ride it, ride it. Yes, them love fi ride it. This ya one for the massive who get crazy pon the drop. This ya one for the raving crew who keep a dance non-stop, non-stop, non-stop. Keep a dance non-stop, non-stop, non-stop. Keep a rocking non-stop. Rap me just a rap, me just a rap non-stop. Chat me just a chat, me just a chat non-stop. Lyrical chatterbox, we coming in cool and relax. Killing it on the rhythm, we just nice up the spot. Watch how the girl, them a flex pan me track. Flex pan me track, the girl a flex pan me track. One girl, let me see your hand. Wave and a wine like you a champion. All unbolted my selector right now. Let me roll with the vice so low. We have the weapon, we have the weapon. Aye, aye, all the girl, them a welcome. All the girl, them a welcome. Aye, aye, whether slim or whether fat, me no worry about. The time and the weather, they know we do it better. They know we do it better. Aye, aye, aye, aye. One, girl, let me see your hand. Wave and a wine like you a champion. All unbolted my selector right now. Girl, I know when your body put it down. Girl, I know when your body, cause you know you're a champion. All I'm pulling my selector right now. Make me mash up the dance once more. Girl, I know when your body put it down. Girl, I know when your body, cause you know you're a champion. All I'm pulling my selector right now. Make me mash up the dance once more. All I'm pulling my selector. Got the dance, all I start catch fire. All I'm pulling my selector. Got the dance, all I catch fire. Set the dance pan fire. Fire in the area. A murder we transfer. Right now, let me roll with the vice so low. Go on, girl, let me see your hand. Wave and a wine like you a champion. All unpulled my selector right now. Let me roll with the vice so low. La belle découverte, 18h-18h30. Et dans La Belle Découverte, on a l'habitude de vous passer beaucoup de musique. Alors on va pas faire trop de blabla et je vous propose de découvrir la chanson Disco Dub, donc la chanson éponyme par rapport au nom de l'EP. Et puis on se retrouve juste après pour en débriefer ensemble. Bubbling when we doubling, never troubling. I love to see the crowd bouncing out when we ride the rhythm. We give them a, we give them a. I love to see all of the people skanking. They want to see you skanking. I love to hear my tune on the sound system. Mash up the place, disco, disco, the rhythm. Well, let me tell you this straight, this your girl is anthem. The whole of them girl, them you see them how we feel. Let me tell you when we sing, you know we say the trick. This your style we created from beginning till the end. Stick it, take it, take it, take it. Lock down the place again. With another hit song, yes, another anthem, yeah. Girl, I muggle them, I vote them, I back it up when. Busy, busy, busy, tight, drop the disco on them. Girl, I get funky in the morning. Girl, I get lively at night. Disco dub play till the morning. and everything nice. Nice and easy now, we cool and I rip on the rhythm. Sexy body girl, them mind them never out of timing. X amount of hot girls, me walk till the morning. I love to see girl, them a bubbling when we doubling, never troubling. I love to see the crowd bouncing and when we ride the rhythm. A wiggy them, a wiggy them. I love to see all of the people skanking. Me want to see you skanking. I love to hear my tune band the sound system. Mash up the place, disco, disco, dub rhythm. Ain't no circling, all the best center bubbling. All the best center side, we ain't go fell-a-le-ling, pam-a-le-le-ding. All of the girl you know we bring, good-a-le-good-a-le good loving. Y'all touch the ceiling, touch your toes, touch your eh-eh-em-em. Good-a-le-dang-dang, good-a-le-ding. Sit-down, panic. Y'all a ride-down, panic. Y'all a wind-down, panic. Chill-a-le-ba-la-la, good-a-le-diddle-le, good-a-le-diddle-le, bum-skin. Y'all a wind-down, panic. It's a rhythm I love to see. Girl, them a bubbling when we doubling, never troubling. I love to see the crowd bouncing and when we ride the rhythm. A wiggy them, a wiggy them. Disco dubba make them rock, disco dubba make them swing. Disco dubba turn a good girl to a dancehall queen. Disco dubba make them jump, disco dubba make me sing. Me see the shy girl and them a start working. See them a wind and back it up in and the dance. When my sound a play the fatty fatty them a bounce. See them a watch them closer when we come in and the dance. Me see them and me want them and we know say we a forget them. We a forget them in a rubber dub style eh. We a forget them the cool and deadly. Keep them in a any kind of style. Girl say you know you have the wickedest vibe. You got the wickedest style. You got the wickedest style. Never troubling. I love to see the crowd bouncing and when we ride the rhythm. A wiggy them, a wiggy them. I love to see all of the people skanking. Me want to see you skanking. I love to hear my tune pan the sound system. Mash up the place, disco, disco, dub rhythm. Voilà, c'est maintenant la fin de cette émission La Belle Découverte. C'était consacré à Taiwan MC et à son nouvel EP Disco Dub, qui est sorti du coup sur Chinese Man Records le mois dernier. À suivre sur Fadjet, vous allez retrouver Aurélie pour Sous Toutes les Cultures. Ensuite, c'est le menu étudiant à 19h30. Très bonne journée sur Fadjet.